J'enverrai les camions si ma maison est en feu, des rides sur le front. S'il en meurt un ou deux et tous les mangeurs d'âmes, à condition de saigner un peu et peut-être même les gendarmes. Pour la petite touche de bleu, j'enverrai des montagnes à la requête de mes lois, libérer tous les bagnes et les filles sur quoi je m'envoierai en l'air à la recherche de l'infini et retomberai par terre pour voir la même chose en petit. On mangera des squelettes sur les plages aux arbres chauds, on ramassera les anges, leur arracher les ailes du dos. On parcourra les Andes en laissant tout le monde derrière où les nuages s'étendent pour embrasser un hémisphère et d'un seul coup de regard pétrifier toute la planète et comme frappé par hasard se sentir comme une crevette et tous les cons heureux de mourir un jour plus vieux feront partie de ceux qui n'ont plus d'âme que pour eux. Sauver, sauver, sauver la couche d'ozone. Sauver, sauver, sauver la couche d'ozone. Partager le ciel avec des boules de feu. Et si les galaxies sont belles, en réduire une ou deux et les ramener chez moi, les poser dans le salon. Et s'il y fait un peu froid, la fin d'une population. Puis on se remettra en route vers le centre de la Terre. On traversera les croûtes jusqu'au plaies de l'enfer. On soufflera des braises jusqu'à qu'ils fâchons partout. Et régneront les flammes, le chaos et notre amour. Et on étendra plus loin notre royaume d'abondance, de l'énergie plein les mains, rayonner dans tous les sens, régner sur le tout statique, pendant le temps rebrousser court, circuler l'organique, faire exploser tous les contours. Et on fera s'emballer la spirale de l'univers en faisant tout valser aux quatre coins de l'éther pour enfin tout grouper en un tout petit point grégaire pour ensuite exploser le cycle infini dans les airs. Sauver, sauver, sauver la couche d'ozone. Sauver, sauver, sauver.